Léonce Vitariho. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principaux titres. Les leaders politiques et religieux convergent que les différences identitaires sont une richesse plutôt qu'une source de conflits. Cela a été dit ce mardi lors de la conférence internationale sur le rôle des ombudsman et des leaders religieux, laquelle conférence de 3 jours a débuté ce mardi à Bujumbura. Au deuxième jour de la rentrée scolaire 2016-2017, les fournisseurs de vivres aux établissements à régime d'internat au chef-lieu de la province de Gitega menacent d'arrêter la fourniture. Comme explication, les dettes que ces écoles ont envers eux ne font que s'alourdir. La police burundaise demande aux victimes de vols de véhicules qui s'observent en séjour d'alerter au plus vite. Elle affirme que 4 véhicules ont été volés depuis vendredi de la semaine dernière à Bujumbura. Mardi 27 septembre, c'est la journée internationale du tourisme. Le représentant de la Chambre de l'hôtellerie et tourisme au Burundi affirme que ce secteur va mal actuellement dans le pays, vous l'entendrez. Et puis dans la chronique santé de ce mardi, Francine Ndiokougayo nous parlera de la ménopause chez les femmes, mais aussi du comportement à adopter et pour la femme et pour son conjoint. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Les différences identitaires sont une richesse plutôt qu'une source de conflit. C'est un point de convergence des leaders religieux et des politiques lors de la conférence internationale sur le rôle des ombudsman et les leaders religieux dans la prévention des conflits identitaires et religieux tenus ce mardi. Ils s'accordent tous sur le fait que la cohabitation pacifique dans la diversité est possible, raison pour laquelle il faudrait intégrer des valeurs positives pour éviter des conflits. Mireille Kanyanga a suivi les travaux d'ouverture de cette conférence et nous en dit plus. Cette conférence internationale des ombudsman et les leaders religieux dans la prévention des conflits identitaires et religieux a été un cadre bien défini pour les religieuses et politiques de parler au nom de la richesse dans la diversité. Monseigneur Évariste Ngoyagoye, archevêque de Bujumbura, s'exprimant sur les conflits dans la sous-région, a fait savoir que cela résulte d'une phase d'apprentissage de la démocratie. Je dirais que nous sommes dans une phase d'apprentissage de la démocratie. Nous n'avons pas encore intégré dans nos valeurs les valeurs de la démocratie, les valeurs de respect de la personne humaine, les valeurs de respect de l'opinion de l'autre, les valeurs de respect de la parole donnée, les valeurs des institutions qui sont mises en place et qui doivent être respectées. Donc nous sommes dans une phase où la démocratie n'est pas encore vraiment adoptée comme mode de vie politique. C'est pour ça qu'il y a des crises. Et lorsqu'il y a des crises, il faut qu'il y ait des hommes qui puissent transcender ces crises pour qu'ils donnent des conseils, pour qu'ils donnent aussi des exemples de convivance. Le fait que nous sommes ici venant de confessions différentes peut être une occasion de montrer que c'est plutôt une richesse. Du côté des politiques, Rémi Baramama du parti au pouvoir reste convaincu qu'il y a lieu de cohabiter pacifiquement. Nous devons absolument comprendre que dans notre diversité, il y a lieu toujours de cohabiter pacifiquement. Dans notre diversité, nous devons comprendre qu'il y a une recherche qui nous permet de nous compléter. Et par voie de conséquence, comme nous traînons toute une masse derrière nous, nous avons le devoir de pouvoir éduquer nos membres, nos adeptes, les amener à comprendre absolument que la diversité ne constitue pas une entrave pour la bonne cohabitation. Par contre, c'est un atout à pouvoir profiter. C'est durant cette conférence que l'ombudsman burundais Mohamed Rukara a invité les participants à mettre avant tout la tolérance et l'acceptation de l'autre afin de laisser une bonne image. Il faut imaginer tous ceux qui peuvent empêcher les violences dans la sous-région, en Afrique et dans le monde entier, car il n'est pas compréhensible d'utiliser la force et encore moins qu'il y ait une personne qui ôte la vie à l'autre. Nous devons adopter un comportement qui met avant tout la tolérance et l'acceptation de l'autre, laisser une bonne image dans la vie, parce que nous tous un jour on partira. Mais il faut qu'on laisse de bonnes images pour nos enfants et nos petits-enfants. Des conflits peuvent naître, cependant, l'on doit trouver des solutions sans passer par la force, a renchéri le docteur Otiende Amolo, ombudsman du Kenya et secrétaire général de l'Association des ombudsman et médiateurs africains.